Allez, c'est parti, on t'écoute. C'est parti pour un set live de Dub Mentalist sur le 895 de Dio. Thank you. Thank you. Thank you.

one family, because all these organizations belong to one man, which is Emperor Haile Selassie. In those earlier days when we say ground nation, we have to take up them jumps, you know, and the hymn book of the Bible, and run. Dub Mentalist toujours en live sur le 895 de Radio Dio et radiodio.org. We'll be right back. Pour le set de Dub Mentalist en live et direct sur Radio Dio. Faites du bruit pour Dub Mentalist en live sur le 89.5 de Radio Dio.